À l'occasion du 105e anniversaire de naissance du président Kim Il-sung, les expositions culturelles coréennes ont eu lieu solennellement dans divers pays, notamment Russie, Chine, Bulgarie et Mexique. Y ont été exposés les portraits en sourire du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il, les photos sur leur vie révolutionnaire sublime et leurs exploits, ainsi que les photos des activités révolutionnaires du dirigeant suprême Kim Jong-un. Il y avait également les livres sur la grandeur des grands hommes coréens Paektusan, notamment leurs œuvres, les livres, photos, timbres et beaux-arts présentant la lutte de nos militaires et civils, la longue histoire 100 fois millénaire et la brillante culture. Les Kim Il-sunia et Kim Jong-ilia fleurs d'honneur avaient décoré particulièrement les expositions.